en soulevant une des résines allumées qui a emporté deux de nos poules et notre dernier flacon. « C'est pourtant vrai » répéta-t-on à la ronde. « Sarpebleu !» gronda Méloir. « Au diable les poules ! Mon escarcelle contenait la rançon d'un chevalier. On peut monter à cheval et le chercher. Ce quelque chose-là, mes compagnons, il me le faut !» Les hommes d'armes s'entre-regardèrent. « Chercher, murmurèrent-ils, c'est possible, mais trouver... »« Il faut trouver, mes compagnons !» dit Méloir. « Si c'est un voleur, répliqua Caravelle, il est adroit, messire, et il a de l'avance. Si c'est un esprit... Quand ce serait Satan, Sarpebleu ?» On chuchota. Méloir poursuivait. « Scellez les chevaux, Conan et les autres. Notre nuit est finie. Vous, mes compères, écoutez, s'il vous plaît. Je vais vous donner le signalement du prétendu fantôme. Vous l'avez donc bien vu, messire ? Pas trop, mais juste pour le reconnaître. De sa taille, je ne saurais rien dire, sinon qu'il est plus leste que les lévriers de Rieux. Sa figure, je ne l'ai pas aperçue, puisqu'il me tournait le dos en fuyant. Mais ses cheveux blonds, bouclés et flottants... C'est une femme ? Peut-être. Vous vous souvenez du garçonnet qui nous a conduits jusqu'ici, messieurs ? Oh, oh ! S'écriait-on. C'est vrai, il a les cheveux blonds. Et vous souvenez-vous comme il avait envie des 50 écus nantais ? Oui, oui. Voilà la piste, mes compagnons. À vous de la suivre. Un bruit soudain se fit dehors. Sus, sus ! Criaient Conan, Méry, Kervez et les autres archers. Ils donnaient chasse dans la cour à un être qui fuyait avec une merveilleuse rapidité. Sus, sus ! Mon bon seigneur, disait le pauvre diable, perdant déjà le souffle, « Ayez pitié de moi. Je venais pour parler à votre maître, le noble chevalier Méloir. »« Au milieu de la nuit ? Attention, Conan, barre-lui la route, Méry. Nous allons la coller contre le mur. » Les hommes d'armes et Méloir s'étaient mis aux fenêtres. « Oh, mes bons seigneurs ! Oh !» criait le fugitif à bout de force. « Messire, dit Fontébrault, je crois que cet honnête gaillard va nous donner des nouvelles de votre bourse. Ne lui faites pas de mal. » ordonna Méloir aux archers. Le fuyard s'arrêta au son de cette voix. « Merci, mon cher seigneur, dit-il, que Dieu vous récompense. « Amenez-le, commanda Méloir. L'instant d'après, les archers poussaient dans la salle un individu qui ne ressemblait vraiment point au signalement donné par Méloir. Ce signalement, tout imparfait qu'il était, parlait du moins d'une taille souple et de longs cheveux blonds soyeux. Notre fugitif était au contraire tout ce qu'il fallait pour n'être confondu de près ni de loin avec ce signalement. C'était un grand garçon d'une laideur très avancée et pourvu d'une chevelure dont chaque crin était rude comme la dent d'une étrille. « Messire, dit l'archer Méry, nous avons surpris ce vilain oiseau-là au moment où il se glissait hors de la cour. « Que venais-tu faire dans la cour ? Demanda Méloir, qui avait repris place dans son fauteuil. « Je venais vous parler, mon bon seigneur. « Comment t'appelles-tu ? Vincent Gueffès, fidèle sujet du duc François et le plus humble de vos serviteurs, monseigneur. » Chapitre 9. Maître Gueffès. C'était bien Maître Gueffès, le digne Maître Gueffès, le mendiant Maquignon, clerc, normand, le prétendu de la belle Simonette, le rival du petit Jeannin, Maître Vincent Gueffès, avec sa large mâchoire, son front étroit, ses bras de deux zones. Et Maître Gueffès disait vrai par impossible. Il était réellement venu au château pour parler au chevalier Méloir. Le chevalier Méloir le considéra longtemps avec attention. « Mes compagnons, dit-il ensuite, il est rare de trouver un animal plus laid que ce pâteau-là. » Tout le monde approuva de bon cœur. « Mais vous savez, continua Méloir, quand on s'éveille comme cela en sursaut, on a la vue trouble et le sang s'engourdit. Peut-être avais-je la berlue, mes compagnons. » Peut-être ai-je vu de beaux cheveux blonds à la place de ces crins de sanglier, et une taille fine à la place de ce corps mal bâti. Les hommes d'armes riaient. Gueffès tremblait de tous ses membres. « Dieu me pardonne, acheva Méloir, je crois que c'est ce coquin qui m'a volé mon escarcelle. »« Oh, mon bon seigneur !» s'écria Maître Gueffès, « je vous jure !»« Bien, bien, mon homme !» interrompit Méloir. « Tu vas jurer tout ce qu'on voudra, mais moi je vais te faire pendre. » Gueffès se jeta à genoux. « Mon cher seigneur, dit-il, les larmes aux yeux, et c'était la première fois de sa vie qu'il donnait de pareilles marques d'attendrissement, mon cher seigneur, la mort d'un pauvre innocent ne vous rendra point votre escarcelle, et si vous me laissez la vie sauve, je vous fournirai de quoi gagner les bonnes grâces du riche duc. » Saurais-tu où se cache le traître Morvert ? Demanda vivement Méloir. Oui, mon cher seigneur, répliqua Gueffès sans hésiter. Gueffès était trop homme d'affaires pour ne pas voir que la crise était passée. Il se redressa un petit peu et son œil fit le tour du cercle. La vie sauve, répéta-t-il. Vous êtes bien trop généreux, mon cher seigneur, pour ne pas ajouter quelques petites choses à cela. Allons, parle, s'écria Méloir. Gueffès se redressa tout à fait. Au clair de la lune là-bas sur le tertre, dit-il, tranquillement cette fois, j'ai vu passer votre escarcelle, mon cher seigneur. Oh, les beaux cheveux blonds et le gracieux sourire. Parle donc. Quatre jambes vont plus vite que deux. Hommes d'armes, montez à cheval si vous voulez suivre le conseil d'un pauvre honnête chrétien. Descendez par le village et piquez droit aux grèves. Vous trouverez l'escarcelle. Et quand vous serez parti, ajouta-t-il en regardant Méloir en face, moi je parlerai à mon cher seigneur. En route ! Cria Méloir. Et si c'est un sorcier ? Insinua Kervoz, et qu'il vous étrangle, messire. Méloir regarda maître Gueffès en dessous. Bah, fit-il, le jour va se lever et j'aurai la main sur ma dague. En route ! Hommes d'armes et archers s'ébranlèrent. Les chevaux étaient tous préparés dans la cour, on entendit la grand-porte s'ouvrir, puis le bruit de la cavalcade, puis le silence se fit. « Sarpebleu !» grommela Méloir. « Ils vont revenir les mains vides. Ah, si j'avais mes 12 lévriers de Rieux ! Mais patience, ils doivent être à Dinan à 7 heures, et nous les aurons demain. »« C'est donc vrai, cela, monseigneur ?» dit bien respectueusement Gueffès. « Quoi ? Que vous chasserez Morvert dans les grèves avec des lévriers d'Horace ?» « Que t'importe ? Cela m'importe beaucoup, mon cher seigneur, attendu que j'ai mis dans ma tête de gagner les 50 écus nantais, promis par François de Bretagne à celui qui... »« Ah ah ! » dit Méloir. « Est-ce aussi pour la fillette à Simon le Priol ?» Gueffès devint tout jaune. « Il y a donc quelqu'un, murmura-t-il, qui veut aussi gagner les 50 écus nantais pour la fillette à Simon le Priol ? » « Est-elle jolie ?» demanda Méloir au lieu de répondre. « Elle est riche, » répliqua Gueffès. Méloir lui frappa sur l'épaule. « Le bon compagnon que tu fais, ami Gueffès !» s'écria-t-il. « Mais j'y songe. Nous n'aurons guère besoin de mes lévriers de Rieux, puisque tu sais où se cache Monsieur U. »« Ai-je dit que je le savais ?»« Oui, sarpebleu, sans cela. »« Ah, monseigneur, quand on a la corde au cou !»« Tu ne le sais donc pas ?»« Je le saurai, monseigneur. » Maître Gueffès avait un sourire assez irrévérencieux autour de son énorme mâchoire. « Causons raison, reprit-il. Moi, je vis dans ce pauvre trou de Saint-Jean-des-Grèves, et je ne sais pas les nouvelles. Pourtant, on m'a dit que vous vouliez épouser reine de Morvert. Ah, on t'a dit cela ? Mauvaise dot, monseigneur, pour un galant chevalier comme vous, que 3 manoirs ruinés où il ne reste que des murailles. Et les tenances, mon ami Vincent ? Et les tenances. Mais les tenances et les murailles, vous les aurez sans la fille, puisque les domaines sont confisqués et que le duc François vous les a promis. « Comment ? » s'écria Méloir. « Tu sais aussi cela ?»« Mon Dieu, messire, j'ai passé la soirée à écouter vos soudards ivres. Ils disent... Mais je ne voudrais pas vous fâcher, mon cher seigneur. Que disent-ils ? Ils disent que la fille de Morvert veut épouser le gentilhomme d'armes, Aubry de Kergariou. C'est bien possible cela, maître Vincent. Est-ce que vous êtes philosophe comme le pauvre Gueffès ? Demanda humblement le Normand. « Sarpebleu ! » s'écria Méloir en riant. « Voilà un coquin qui a de l'esprit comme 4. Non, non, je ne suis pas si philosophe que cela, mon homme. Mais mon cousin Aubry est en prison, et s'il plaît à Dieu, il y restera longtemps. »« S'il plaît à Dieu !» répéta Gueffès d'un air goguenard. « Que veux-tu dire ?»« Ce que femme veut !» commença le Normand. « Bah ! » interrompit Méloir, vieux dicton moisi. « Dieu le veut !» acheva paisiblement maître Gueffès. « Et si j'ai de l'esprit comme 4, c'est mon cher seigneur qui a eu la bonté de me le dire. La fille de Morvert en a 4 fois plus que moi encore. Tu la connais ? Je gagne ma vie ici et là, je vais un peu partout à l'occasion, et au besoin je connais un peu tout le monde. » Méloir lui prit les 2 bras et le mit en face de la résine pour le considérer plus attentivement. « Il me semble que je t'ai déjà vu, » murmura-t-il. « Ce n'est pas impossible, » répondit Gueffès, dont la lumière trop voisine faisait clignoter les yeux gris. « À Avranches ? Peut-être à Avranches. » Sur le passage du duc François, un Grigou cria « Duc, que Dieu t'oublie !» prononça tout bas Gueffès. Par le ciel, maître Vincent, c'est toi qui étais ce Grigou ? Mon bon seigneur, je n'avais pas pu ramasser un seul Carolus dans la largesse de François de Bretagne. Et tu te vengeais ? Une pauvre espièglerie, mon bon seigneur. Méloir lui lâcha les deux bras et se mit à réfléchir. À ce jeu-là, continua tranquillement maître Guéfesse, on gagne parfois autre chose que des piécettes blanches. Connaissez-vous le manoir du Guildeau, monseigneur ? L'ancien fief de Gilles de Bretagne ? Un beau domaine, celui-là, et qui vous irait bien, messire Méloir. Mais François l'a donné à Jean de la Haize. Ah, ce n'est pas pour dire que messire Jean ne l'a pas bien gagné. Pour en revenir à mon histoire, une fois je criais aussi sur le passage de monsieur Gilles. C'était en la ville de Planquette. Monsieur Gilles faisait largesse, et je n'avais pu avoir qu'un denier breton dont il faut 6 pour faire un denier royal à 12 du sol tournois. Je criais « Monsieur Gilles a le feu Saint-Antoine sous sa belle cotte à mailles d'or !»« Méchant drôle !» fit Méloir en riant. Un gentil petit page que je n'avais pas aperçu, poursuivit maître Guéfesse, dont la joue jaunâtre prit une teinte plus chaude, me sangla un coup de gaule à travers la figure. « Tenez, voyez plutôt !» Il montra sa joue rougie, où une ligne blanche se dessinait en effet nettement. « Un bon coup de houssine !» dit Méloir. « Oui, » répondit Guéfesse, « il y a bien 10 ans de cela. Le coup paraît toujours, et le mire m'a dit qu'il paraîtrait jusqu'à ce que le page soit en terre. » « Le page a dû devenir un homme. Un gentilhomme, monseigneur, portant une lance presque aussi bien que vous. Tu l'appelles Aubry de Kergariou. » Il y eut encore un silence. Au dehors, l'aube blanchissait l'horizon. Méloir reprit le premier la parole. « Maître Guéfesse, dit-il avec une certaine noblesse, Aubry de Kergariou est mon cousin, et je suis chevalier. Je vous défends de rien entreprendre contre lui. »« Contre lui, moi ?» s'écria Guéfesse de la meilleure foi du monde. « Ah, vous ne me connaissez guère. Je souhaite que messire Aubry aille en terre, c'est vrai, mais pour l'y mettre moi-même, incapable, mon cher seigneur. » Seulement, si vous aviez pensé comme moi qu'un cercueil ferme toujours mieux qu'un cachot, j'aurais dit « Amen ». Assez sur ce sujet, maître Guéfesse. Comme vous voudrez, monseigneur. Mais moi qui ne suis pas chevalier, il m'est permis d'avoir d'autres idées, pour mon compte, j'entends. J'ai aussi un rival auprès de Simonette. Il n'est pas même en prison, et le plus tôt que vous pourrez le faire pendre sera le mieux. « Comment ? Le faire pendre ?» se récria Méloir. « C'est un petit cadeau que je vous demande par-dessus le marché des 50 écus nantais. »« Pendre mon petit Jeannin !» dit Méloir en souriant. « Oh oh, vous le connaissez ! Un joli enfant, n'est-ce pas ? Un enfant charmant ! Eh bien, quand vous m'aurez promis qu'il sera pendu, nous finirons ensemble l'affaire du Morvert. »« Mais il ne sera jamais pendu, maître Guéfesse. »« Assommé, alors ! Je ne tiens pas aux détails. »« Ni assommé, étouffé dans les tangues. » « Ni étouffé, noyé dans la mer, ni noyé !» Le chevalier Méloir, à ces derniers mots, fronça un peu le sourcil. Maître Guéfesse força sa mâchoire à sourire avec beaucoup d'amabilité. « Mon cher seigneur, dit-il, vous êtes le maître et moi le serviteur. Il fait bon être de vos amis, je vois cela. Chez nous, vous savez, en Normandie, on marchande tant qu'on peut. Je suis de mon pays, laissez-moi marchander. » « Puisque vous ne voulez pas que le jeune coquin soit pendu, ni assommé, ni étouffé, ni noyé, on pourrait prendre un biais. Votre cousin Aubry doit avoir grand besoin d'un page là-bas dans sa prison. Ce serait une œuvre charitable que de lui donner ce Jeannin. Cela vous plaît-il, monseigneur ?»« Cela ne me plaît pas. Alors mettons-lui une jaquette sur le corps et faisons le soldat. Qui sait, il deviendra peut-être un jour capitaine. Il ne veut pas être soldat. » « Ah ! Fit Guéfesse, c'est bien différent. Du moment que messire Jeannin ne veut pas. » Il commençait à se fâcher, l'honnête Guéfesse. « Mon cher seigneur, reprit-il, le destin s'est amusé à nous mettre dans une situation à peu près pareille. Vous, l'illustre chevalier, moi, le pauvre air. Vous avez un rival préféré qui s'appelle Aubry. Moi, j'ai une épine dans le pied qui s'appelle Jeannin. Et tu voudrais l'arracher. » « J'allais y venir, » répliqua tout naturellement Guéfesse. « Quand on ne peut manger ni chair, ni poisson, ni froment, ni rien de ce qui se mange, on grignole le bout de ses doigts pour tromper sa faim. C'est de la philosophie. Quand le renard est trop bas et que les raisins sont trop hauts, le renard serait bien fâché d'y mordre. C'est encore de la philosophie. quand le Normand enrage, poursuivit Méloir du même ton, et qu'il est obligé de rentrer les ongles, le Normand récite des apologues. C'est toujours de la philosophie, conclut maître Gueffès. Allons, Marot, s'écria le chevalier en se levant tout à coup. L'air est frais ce matin, allume-moi mon feu et trêve de bavardage. Si tu sais où se cache le traître Morvert, tu me l'apprendras pour remplir ton devoir de vassal. Si tu ne remplis pas ton devoir de vassal, c'est toi qui seras pendu. Gueffès n'était pas homme à s'insurger contre ce brusque changement. Il s'inclina jusqu'à terre et alluma le feu. Mais il savait d'autres fables que celles du renard et les raisins. Le vieil Ésope n'avait pas attendu notre La Fontaine pour mettre en action la logique bourgeoise. Gueffès, tout en soufflant le brasier, se disait, comme le moissonneur d'Ésope, « Ne compte que sur toi-même ». Méloir, lui, se promenait de long en large dans la chambre et secouait ses membres engourdis. Pendant que le feu flambait déjà dans l'âtre, il s'approcha d'une fenêtre et jeta ses regards sur la campagne. Le monticule où s'asseyait le manoir de Saint-Jean avait à peine 4 ou 5 toises d'élévation au-dessus du niveau des grèves. Mais dans ce pays, 5 toises suffisent pour constituer une montagne et donner à la vue le plus vaste des horizons. La fenêtre tournait le dos à la Normandie, mais Loire voyait une échappée des grèves dans la direction de Chéruex et de Cancale, et en face de lui le marais, océan de verdure, au milieu duquel le Mont-Dol apparaît comme une île. Le soleil s'élevait de l'autre côté du château, derrière les collines de l'Avranchin. Une teinte rosée montait au zénith et laissait le couchant perdu dans ces nuages grisâtres qui rejoignent nos brouillards de Bretagne et confondent en quelque sorte la terre avec le ciel. Sur la route de Dol, au loin, un point noir se mouvait, et le vent d'ouest apporta comme l'écho perdu d'une fanfare. « Vive Dieu ! » s'écria Méloir. « Voilà Bélissant, le veneur, avec mes lévriers de Rieux. Maître Gueffès, nous trouverons bien la piste sans toi. » Maître Gueffès ôta son bonnet de laine. « Si monseigneur veut se mettre les pieds au feu, dit-il, je vais lui servir son déjeuner. J'ai encore quelques petites choses à dire à monseigneur. » Fin de la section 3.